OK, le sujet de la soirée, la manipulation du mental. Quand on parle de manipulation, on parle inévitablement, si on regarde du point de vue de l'ego, de quelque chose qui dévie de la perception première qu'on se fait. Fait que, on se dit, bon, ben, moi, je veux aller faire telle chose dans telle date ou telle situation. Et puis, oups, il y a quelque chose qui nous fait bifurquer, puis on prend une nouvelle direction, on change de timing. On change de projet même. Il y en a même qui se marient puis qui changent de femme ou qui changent de mari. Ça, c'est de la manipulation du mental ou change d'auto. Puis ça, c'est de la manipulation du mental. Tout ce qui a tendance à faire dévier l'individu d'une dynamique, là, disons comme telle, sur laquelle il est naturellement porté à aller et puis qui s'en va vivre de l'expérience ou qui s'en va vivre un désir, c'est souvent lié à un jeu de rêve. On a beaucoup, beaucoup de mise en marché, de marketing qui se fait dans notre société, qui nous pousse à aller chercher des expériences qui ne sont pas nécessairement adaptées à la nôtre. OK? Fait que c'est sûr que quand vous êtes poussé par un environnement extérieur à aller vivre quelque chose qui n'est pas vous, qui n'est pas votre vibration, ben c'est parce qu'on a été joué dans vos rêves. On a été travailler des perceptions, travailler des idées, travailler des façons de voir les choses pour que ça aboutisse dans un climat qui vous descende, vous déphase, vous déséquilibre pour pouvoir être consommateur de ce produit ou de ce service-là. Avez-vous besoin de boire du coke? Avez-vous besoin de boire de la bière? De l'eau, ça serait suffisant? Pourquoi vous buvez de la bière, du coke? C'est des altérants, c'est un effet, le plaisir de la vie. Vous remarquez que c'est ça que les compagnies exploitent. Coke, tu vas toujours voir du monde heureux, les dents blanches, sourire Colgate. La bière, il faut toujours que ça soit le party. C'est à se demander s'ils ne se baignent pas là-dedans. C'est jamais ce que vous vivez, mais à vivre du rêve ou à projeter du rêve, on réussit à un moment donné à vous coller une bleue. Pas un bleu, là, mais une lavette bleue. Je sais comment ça s'appelle, la Corona, des affaires à main. On dit tout le temps, s'il n'y a pas de marketing, s'il n'y a pas de publicité, il n'y a rien qui se vend. Pourtant, la publicité de bouche à oreille, c'est la plus solide. Le bouche à oreille, c'est long. Tandis que la publicité, c'est rapide. Fait que si c'est rapide, c'est parce qu'on atteint rapidement des désirs, on atteint rapidement des perceptions qui sont pas originales. Tu sais. La personne, dans son propre rythme de vie, elle a un rythme original. Puis avec le rêve, puis avec le désir, on peut accélérer cette originalité-là pour aller chercher quelque chose qui peut devenir artificiel. Vous me suivez? Bon, si à l'origine, le mental est calme, puis qu'on réussit à le perturber, donc on réussit à créer une grosse impression, faut s'y prendre d'une certaine façon. Faut aller chercher quelque chose qui, dans l'individu, va craquer pour ne pas protéger son mouvement original. C'est quoi? Le rêve en soi, c'est quelque chose qui est inaccessible. Sans ça, on n'en rêve pas, on le réalise. Tant que vous êtes au stage du rêve, vous êtes au stage d'une perception d'impuissance. Il vous manque quelque chose. Quand on vous vend du coke, puis le monde, on s'amuse tout le temps, c'est rare que tu vas vouloir boire du coke, que ça déprime. Tu vas vouloir coller l'impression que tu as de la publicité à boire du coke avec du fun. Fait que ça connecte, les compagnies de publicité le savent, ça connecte à quelque chose que tu peux pas avoir tout le temps. Tu peux pas toujours être sur le party. C'est impossible. Et des fois, tu vis des ondes de déprime. Fait qu'on va chercher dans votre rêve d'être bien, un produit qui peut être un véhicule d'accéder à du plaisir à un coût qui n'est pas trop dispendieux. Tu sais, si tu as une pièce et quart à dépenser pour avoir une Coffee Crisp, pour avoir un verre de coke, c'est pas cher à dépenser pour être heureux. Et que la publicité, subliminalement, elle te configure une accessibilité à quelque chose qui est le bonheur en disant, si tu bois du coke, tu vas être heureux. Si tu bois ci, si tu achètes ça, Robe Report, là, si t'as tel véhicule, si t'as telle chose qui représente dans la société une réussite, ben, si tu te promènes en Porsche, si tu te promènes en Rolls-Royce, si tu te promènes en ci, t'as réussi. Puis on finit par y croire parce qu'on se dit que tous les gens qui réussissent se promènent là-dedans. Pourquoi? Parce qu'eux autres aussi sont manipulés. Donc, eux autres, en étant manipulés, ben, ça vous manipule amplement parce que ça amplifie la notion que c'est inaccessible pour certaines personnes, puis c'est accessible juste pour certaines personnes. Et puis, ils réussissent à créer une sélection et de configurer une sorte de hiérarchie dans votre état d'esprit qui fait qu'il y a des choses qui sont accessibles et des choses qui sont inaccessibles. Qu'est-ce qu'un ego veut le plus au monde? L'inaccessible. On ne peut pas l'avoir, je le veux. Mais l'inaccessible, l'individu, il veut toujours s'affranchir de ça. Fait que vous êtes manipulé par votre sentiment d'impuissance. Votre sentiment d'impuissance vous fait vivre du désir, puis vous fait vivre, quand le désir n'est pas assouvi, ça vous fait vivre du rêve. Le désir, c'est du rêve instantané, puis le rêve, c'est un paquet de désirs accumulés qui n'ont pas été réalisés. À quoi rêvez-vous? Plus votre rêve est grand, plus vous vous sentez impuissant. Vous êtes moins rêveur, vous voulez juste avoir la paix, vous êtes proche de votre origine. Mais plus vous voulez quelque chose qui est inaccessible, plus ça va vous placer dans un gros rêve. Tu sais, quand quelqu'un dit le rêve de toute une vie, ça veut dire que ça prend toute l'énergie d'une vie pour réussir à s'affranchir de l'inaccessible. Question, est-ce que vous pensez que la conscience, c'est inaccessible? Si oui, vous en rêvez, mais vous ne l'avez pas. Si vous commencez à parler sur ce que vous sentez et vibrez, vous êtes déjà dans l'actualisation, vous ne rêvez plus, vous n'avez plus de désir. Qu'est-ce qui vous place en situation de manipulation extrême? C'est l'inertie, l'inaction, l'impression surtout qui vous amène à un climat d'inaccessibilité. Puis ça, cet effet-là, si ça vous rentre dans le corps puis que vous commencez à goûter que c'est inaccessible, le rêve va prendre le dessus sur votre réalité. Puis là, vous allez commencer à sentir que la vie vous échappe. Les gens qui se droguent, c'est des gens qui rêvent plus qu'ils réalisent. Pourquoi? Parce qu'ils vivent dans un monde de perception où ils sont pas satisfaits de leur réalité, leur origine, leur réalité originale. Ils sont pas satisfaits de leur origine et puis ils ont tendance à vouloir s'évader à cause d'un état d'impuissance dans les ressources financières, matérielles ou quoi que ce soit, à s'évader dans un climat où ils n'auront pas à sentir la régularité, je dirais même la platitude de l'esprit. Là. C'est plate l'esprit, c'est vraiment plate. Mais il n'y a pas de soubresaut dans l'esprit. Dans le désir, dans le rêve, il y a beaucoup de polarité. Il y a beaucoup de plus, puis de moins, puis de déception, puis d'extase, puis de ci, puis de ça. Fait que dès que les individus rentrent dans ces jeux de modulation à l'extrémité, ils tombent dans un climat d'inaccessible qui est très, très, très, très perceptible dans le désir par le sentiment de conquête. Quand vous êtes dans un sentiment de conquête, c'est parce qu'en général, vous êtes dans une zone de désir. Et puis, dans la zone de désir, vous sentez que vous pouvez l'avoir pas loin, proche, là, tu sais. Fait que votre désir vous emmène à chercher à vous battre, là, à très, très court terme pour réaliser quelque chose. C'est quand votre conquête vous échappe que là, ça risque de passer dans l'inaccessible, donc dans le rêve. Et que là, vous commencez à vous faire manipuler parce que la pensée, elle va toujours, astralement parlant, là, la pensée va toujours rentrer dans les choses que vous réussissez pas ou qui vont dans le temps se réussir, mais qui, à court terme, ne sont pas réussies. Si vous êtes dans un mouvement d'origine, tu sais, mettons, je décide de m'en aller à Trois-Rivières puis que, bon, je suis en patin à roulette, je me donne un mois, moi me rends, même avant. Tu sais, petit bout. 500 pieds, un 200 pieds, un 500 pieds, puis... C'est à un moment donné, je vais finir que je vais pogner en cadence, puis là, je vais peut-être faire 10 kilos par jour, 25 kilos par jour, puis la même année, je vais être rendu. Mais si on me dit tu n'es pas capable de le faire en 6 heures, on commence à te raccourcir tes délais, on te met des quotas de plus en plus serrés. Là, ça va dépasser ton rythme original, puis là, tu vas être obligé de changer de mécanisme pour pouvoir accélérer. Les rollerblades, ça ne sera pas assez. Il va te falloir un vélo, puis à un moment donné, il va te falloir une moto, il va te falloir une auto, il va te falloir un train, il va te falloir un avion. Puis à un moment donné, si tu joues pas assez, il va te falloir un Sputnik, quelque chose, là, style, tu y penses, t'es rendu, là. Boum. Parce que si on te repousse ta zone de conquête toujours de plus en plus loin, bien, ça va finir que ça va être une inaccessibilité. Puis là, à un moment donné, tu vas commencer à rêver. Tu vas dire, mais je peux pas. Moi, je peux pas, là. Il faut être à deux, il faut être à quatre, il faut être à 20. Tout seul, je suis pas capable. Puis là, c'est le rêve qui commence. Fait que ça te sort de l'individualité, ça te lance dans la collectivité parce que tout seul, tu peux pas le réaliser. Tu es obligé d'aller deux, trois, quatre, cinq. Puis là, ben, ça devient une situation épouvantable. Ton rythme original, ça devait être ton rythme. Vous deviez tout connaître c'est quoi votre rythme. T'sais, on parlait de moto, son chum, il aime ça faire un petit peu plus de vitesse que sa femme. Sa femme a dit, bon, ben, j'aime ça avoir une moto. Tu veux-tu aller vite comme lui? Non, ça ne m'intéresse pas. Mais pourquoi tu vas à une moto? Pour le retarder? Ah non, non. Mais c'est ça que ça va faire. Fait que t'es pas dans ton rythme d'origine. T'es bien dans quoi? Jardinage. Et que c'est pas pareil comme une moto, ça, là. Tu sais, jardinage, tu bouges pas pendant 4 heures pour planter des bulles, là. Ben non, c'est sûr que tu te déplaces de 10-15 pieds, là, mais quand même. Mais son rythme d'origine, il est très lent, puis l'autre, son rythme, est un petit peu plus rapide. Puis composé avec le déphasage, il n'y a pas de trouble, tu sais, on va se retrouver à souper, il n'y a pas de problème. Dis-moi à quelle heure je vais revenir, là, puis tu sais, that's it, comprends-tu? Mais les gens font des affaires par rapport aux autres. Fait qu'on en vient au fait que qu'est-ce qui nous démobilise de notre facteur d'origine, c'est la comparaison. Fait qu'un des gros éléments de manipulation du mental, c'est la comparaison. Les gens sont manipulés parce qu'ils sont déviés de leur track d'origine, mais cette déviance-là, elle vient d'un élément de comparaison, tu sais. Est-ce que c'est possible de se dégager d'une manipulation du mental? C'est possible si on est capable de donner une validité au coke original, c'est-à-dire à votre origine. Mais si vous êtes bien impressionné par le désir d'avoir ci, d'avoir ça, d'être propriétaire de certaines impressions qui dégagent une puissance que vous n'avez pas, là, vous êtes en danger. Que la dynamique est que l'inaccessible, c'est très sollicitant pour l'ego. Puis il faut avoir l'esprit très, très fort, capable de revenir à son rythme original pour dire non à des choses qui ne sont pas nécessaires dans la vie. C'est quoi qu'on est tenté d'être manipulé? C'est quoi les secteurs qui vont faire qu'on va vivre la manipulation mentale? Il y a quatre. L'habitation. La mobilité, la capacité de générer, en d'autres termes, le travail, là, mais si des fois, il y en a qui sont rentiers, là, mais la capacité de générer, puis les associations. Ces quatre facteurs-là, votre habitat, c'est parce que c'est votre zone où vous pouvez vous rebalancer, c'est la capacité de régénérer. Puis la capacité de générer, bien, c'est une capacité de se mettre dans un travail où vous allez avoir un salaire, vous allez avoir un retour, une certaine reconnaissance publique de votre capacité de faire certaines choses. Votre mobilité, bien, c'est tout ce qui est mobile. On peut parler des autos, mais on peut parler pour quelqu'un qui reste pas loin de marche à pied ou de quoi que ce soit, mais votre mobilité, c'est la capacité que vous avez de dire « je m'en vais à 500 pieds puis de le faire » ou de vous en aller à 5000 kilos puis de le faire, mais c'est votre mobilité. Puis les associations, parce que pas d'association, une personne ne peut pas amplifier, ne peut pas progresser, ne peut pas vivre de croissance. L'astral bombarde tout ça, puis s'ils réussissent à trouver un point faible dans un de ces quatre-là, ils vont vous rider. Si évidemment, ils en pognent plus qu'un, là, vous allez rider au superlatif. Puis s'ils pognent les quatre d'aplomb, là, vous allez crever. Parce que vous ne serez plus capable de traiter ça, c'est la folie. Un fou, il n'est plus capable d'organiser son habitat, il n'est plus capable de générer, il n'est pas capable de s'associer, puis il est encore moins capable d'être mobile, coordonné. Là. C'est la folie quand elle touche les quatre niveaux. Mais il y en a qui essayent de se créer des vies d'ermite, se couper le plus possible du monde, avoir le moins à travailler possible, puis s'assurer de mobilité minimum. Tu sais, style, tu vis dans le bois, puis tu fais juste un kilomètre autour de ton espace. Ils peuvent réussir ça, mais ça ne veut pas dire qu'ils réussissent à se libérer parfaitement du rêve ou du désir. Tu sais. ils vont quand même, dans leur climat, à cause de la compression que ça va créer, ça va quand même avoir, il va quand même avoir des pensées qui vont le manipuler pour que ça change de frame, là, que ça change de situation. Bon, vous savez toutes que vous êtes manipulés, mais il y a des niveaux, il y a des degrés, il y a des niveaux. Premier niveau, je l'ai dit, c'est lié au désir. Donc, c'est lié à une volonté ou une contenance, si vous aimez mieux, d'agir. Alors, regardez comment est-ce qu'avec une pensée, vous avez des problèmes à passer à l'action. Ça pense, moi je dis aux gens, vivez vos pensées. Allez explorer qu'est-ce que vos pensées pourraient vous faire faire. Puis, les gens sont placés dans une manipulation telle que vouloir agir, puis là, tu as des ressources, là, tu as des capacités, il te manque rien pour agir. Il faut juste que tu le fasses. OK? Puis tu es manipulé avec quoi? Le vrai et le faux. Le gain ou la perte. OK? Se tromper, puis avoir raison. Ta, ta, ta, ta, ta. Fait que déjà, l'astral va s'attaquer à vos pensées, c'est-à-dire à votre capacité d'agir avec vos pensées, ou la pensée, si vous aimez mieux. Puis, la zone où vous êtes à votre maximum de force, parce que vous avez les ressources d'agir, vous avez les... Mettons qu'on met ça, là, vous n'avez pas de problème d'habitat, vous n'avez pas de problème d'association, vous n'avez pas de problème de capacité de générer, puis vous êtes mobile. En d'autres termes, vous êtes capable d'agir. Puis vous doutez. Aïe, aïe! Qu'est-ce que ça va être quand ça va commencer à shaker en bas de l'herbe? C'est épouvantable, c'est l'enfer. Tu doutes si t'es fait. Fait que tu doutes dans ton action. Fait que t'es manipulé. Pourquoi? T'es manipulé dans la peur de l'erreur. T'as peur de quoi dans l'erreur? Hein? T'as peur de quoi? T'as peur de perdre une ressource de ces quatre secteurs-là, dans un de ces quatre secteurs-là. T'as peur de présenter une image qui génère pas, ou t'as peur de mal t'associer, t'as peur de pas être, de perdre la mobilité, t'as peur de que ton habitat soit corrompu d'une façon quelconque. T'as peur. À partir du fait que tu fais pas ce que tu dois faire, la partie qui va t'avoir empêché d'agir va commencer à te placer en situation de désir. Fait que là, pour agir, ça va devenir une conquête. Là, te lever du lit, là, ça va devenir là, l'affaire de la journée. Là. T'sais, une année, ça sonne, faut que tu te lèves. Oh, 10 minutes. Là, un autre ding-ding en quelque part, puis là, faut que tu te lèves. Un autre 10 minutes. À un moment donné, de sortir du lit, là, ça devient l'ouvrage. Là, parce que tu as donné deux fois le pouvoir à l'inertie. Donc, rien faire. Puis à un moment donné, c'est quelque chose qu'il faut que tu fasses, c'est urgent. Puis là, ça te demande de conquérir le bord du lit, là. Tu sais, te revirer, puis wow, on se relève. On vient de se loader du tronc. Là, il y a ses deux jambes, il whoop, et là, il est droite, là. Hein, ça doit être comme ça, Charlie, toi, avec. Puis là, on part, Robocop. T'en vas au téléphone. Là, tu commences à agir. Sais-tu que si ça c'est tough, là, des choses essentielles, des choses qui sont nécessaires, des choses basiques, des choses que tu as les moyens. Tu as les moyens de le faire, puis tu es capable de le faire. C'est violent. Imagine-toi le deuxième niveau où il t'a un manque de ressources. Fait que là, tu vis ce qu'on appelle du handicap. Là, tu es doublement manipulé parce que tu pars loser. Là, tu as un handicap. Et puis, avec le handicap, tu dis, je suis pas capable, mais si j'ai réussi à passer à travers, moi être bon. Là, tu commences à donner une qualité à une capacité que tu avais la semaine passée, puis que là, tu n'as plus parce que tu t'es tellement mis dans le doute que là, la situation est rendue qu'elle joue contre toi, là. T'as tellement dit que t'étais pas bon ou pas bonne que là, tu penses que t'es pas bon. Là, t'as donné une certification à ton état négatif. Puis là, tu es handicapé. Tu as encore des ressources, mais tu penses que tu manques de ressources. Là, c'est suffisant, cet handicap-là, pour commencer à demander à du monde, tu m'aiderais-tu? As-tu fait tout ce que tu pouvais tout seul? Non, c'est bien plus facile avec un autre. Et là, c'est ton impression de toi-même qui est handicapé commence à pouvoir se faire manipuler au point de se mettre en contact avec un autre individu qui, lui, certainement, va faire apparaître des manipulations dans son mental. Lui aussi, il va se faire manipuler. Là, non seulement toi tout seul manipuler, c'était déjà pas mal, là, vous êtes deux à vous faire manipuler. Puis là, vous allez évidemment vous raconter vos bubites. Ah, ça va bien, ah, va bien, ça va bien, ça va pas bien, ça va pas bien, ça va pas bien, ça va bien, ça va pas bien, pas bien, pas bien, pas bien, pas bien. Maintenant, ça colle sur le pas bien, pas bien. Fait que là, un qui filait bien, avec l'autre qui file pas bien, ça fait que celui qui filait bien, il dit, sais-tu, dans le fond, peut-être ça va pas bien. Puis là, tu commences à t'handicaper. Là, tu arrives après ça à la certitude du doute. T'es sûr que tu doutes. c'est genre la personne qui te pose une question. La personne te pose une question et dit, sais-tu, je suis sûr que je ne sais pas. Ouais, mais au moins, t'es sûr de quelque chose. Ouais, mais je suis vraiment sûr que je ne sais pas. Je peux pas savoir ça, mais c'est impossible. Fait que là, tu cristallises. Au début, tu avais un handicap, mais dans l'handicap, tu sentais que tu manquais de ressources, mais tu savais dans le fond de toi là, que c'était une game, là, tu sais. Puis que tu es capable de passer à travers. Mais que pour passer à travers, tu as besoin d'un petit start de quelqu'un. Quand tu es rendu avec certitude du doute, tu n'as même pas besoin d'inviter quelqu'un pour te plaindre parce que tu te plais assez bien tout seul que tu peux pas te plaindre mieux que ça avec quelqu'un. C'est pas drôle. Parce que là, tu es capable de te mettre à terre au début de ta journée. En te levant, là, les batteries bien chargées, tu vas te chercher un cauchemar que tu as fait pendant la nuit, tu sais. Puis si tu trouves pas rien pour te caler, là, tu vas être malheureux. Parce que tu commences à penser que tu es mieux malheureux que de faire quelque chose. N'oubliez pas, c'est simplement partie d'une affaire de t'as pas agi. Fait que cette certitude-là, là, ça devient une espèce de... T'es plus capable tout seul de t'en sortir. Il faut que quelqu'un te dise, voyons donc, t'es capable. Capable? Comment se fait que tu crois en moi, toi? Comment se fait que tu as confiance que je m'en sors? Ben, je sais pas, moi, je te regarde aller, t'es pas infime, t'es pas ça. Il t'enlève toutes les affaires qui fait que tu donnes une raison à ta certitude de douter. Il t'enlève tout ça, là, puis il est plus sûr que toi que ta certitude de douter. C'est sûr, c'est facile, là. C'est quelqu'un qui est sûr de douter, il est pas fort. Fait que l'autre, il est tellement sûr, je dis, si tu me donnes du gaz, tu vas-tu être là demain? Puis là, demain, si t'es là, ben là, ça lui donne encore du gaz, puis il finit par traverser son doute, revenir au manque de ressources, puis de vouloir s'associer avec toi, puis finalement, tu lui donnes pas le support qu'il veut, puis il finit qu'il le fait seul. Puis il fait des arrangements avec l'impôt, puis il dit, je vais vous donner 24,95 par mois, c'est correct pendant 12 ans? Non, faut qu'on ferme à la fin de l'année. Ouais, mais comment vous allez m'arranger ça? Mais il est déjà capable d'appeler, là, tu sais. Madame Sauvageau, vous avez été fine avec moi, et puis j'aimerais ça faire des arrangements avec vous. Elle dit, 12 mois max, hein? Sinon, c'est des arrangements funéraires. C'est parce que si tu te laisses manipuler et que tu réussis à vivre la certitude du doute, tu vas finir dans le dernier niveau, ça va être la folie qui va commencer à te gagner. Parce que là, tu vas te désorganiser. C'est un désordre monumental qui commence là. Fait, faut pas franchir plus que cette étape-là. C'est pour ça que Bernard disait tout le temps, on n'est pas intelligent tout seul. Il savait très bien que l'ego, par nature, se plaint. Puis que pour en arriver éventuellement à composer avec un environnement donné, il faut absolument que vis-à-vis de cet environnement-là, tu aies des gens qui vont te faire de l'interface. On parlait beaucoup dans le temps de faire de l'interface. Bien, de l'interface, c'est simplement établir un dialogue avec des gens qui ont une volonté d'agir. C'est bien important de sélectionner votre environnement avec des gens qui ont une volonté d'agir. Moi, j'adore m'entourer de gens qui veulent passer à l'action, qui veulent passer au niveau du au-delà du mot, dans le sens d'aller dans un registre de créativité active. Là, t'sais. On dit ça, on fait ça. Mais on dit ça, on pense ça, puis on essaie de voir qui est-ce qui a raison. Ça ne m'intéresse pas. Mais On pense ça, on dit ça, on fait ça. Ça, c'est correct. Pas de trouble avec ça. Il y a une volonté d'agir. Tu es toujours dans tes ressources. Puis si tu n'as pas de ressources, ben, tu dis, moi, je suis capable d'agir à ce niveau-là. T'sais? Fait que quelqu'un dit à son chum, écoute, pars à pied, moi, je te rejoins en rollerblade. Ben, deux modes de mouvement différents, mais deux volontés de se rendre ensemble à un endroit. Fait que même si le moyen diffère, ça reste quand même qu'on reste dynamique. Là, à ce moment-là, il y a moins de chances de te faire manipuler dans le mental. Vous faites manipuler dans le mental quand vous pensez. Quand vous êtes dans l'action, c'est dur de vous manipuler. Ça devient très, très difficile pour un individu qui est dans un processus très électrique de se faire manipuler, parce que là, l'astral ne peut pas vraiment colorer votre pensée. Là, vous allez dire, ouais, mais si on est bien électrique dans quelque chose qui est un rêve, tu sais, style, on est en mode conquête. Je comprends que c'est avec la vie que j'ai menée en consultation surtout, je comprends que c'est impossible pour une personne de vivre au-delà de son expérience. Elle a un karma à vivre, puis il y a de l'expérience à vivre, mais tu peux pas te libérer de ton karma si tu penses ton karma. Tu te libères de ton karma parce que tu agis sur ton karma. Agir sur son karma, c'est faire face à l'insécurité qui peut nous créer quelque chose. Quand vous sentez qu'il y a de l'impuissance, puis que vous vous levez, vous marchez, puis vous avez tous vos morceaux. L'impuissance, c'est titre. Vous avez tout ce qu'il faut pour bouger. Vous ne connaissez pas votre futur. La manipulation joue sur le fait que vous n'avez pas d'informations sur votre avenir. Hein? Il y a beaucoup, beaucoup de puissance dans la manipulation qui vient du fait que vous êtes incapable de voir votre avenir. Hein? Si vous connaîtriez votre avenir, peut-être vous iriez vous recoucher. Vous direz, ouais, c'est bien pire que je pensais. Mais vous pouvez aussi dire, si je sais ce qui va se passer, je peux peut-être essayer de voir si je peux pas m'outiller pour y faire face. OK? Ça, c'est l'affaire du portrait noir à Bernard. Si tu étais capable de faire un projet avec un portrait noir, donc le pire, ben, tu étais capable de dire, ben, je suis capable d'agir. Parce que si le portrait noir, c'est le pire, puis tu le prends, bien, ça veut dire que tu peux agir. Mais si le portrait noir, tu ne veux jamais le voir, puis que quand il t'arrive, c'est la crise totale, bien, c'est sûr que tu es en danger. Tu es manipulable. Parce que là, tu vas écraser, en quelque part. Parce que le jeu de la manipulation, c'est de vous faire, comme au casino, vous faire jouer vite, vite, vite dans un état d'excitation extrême. Mais si vous réussissez à vous dégager de la manipulation du mental, c'est parce que vous avez été capable de placer ça dans le temps en disant, je vais trouver avec le temps des solutions. Je peux pas en trouver tout de suite, mais je vais en trouver avec le temps. Puis vous allez voir que les moyens que l'astral a pour vous manipuler, c'est fort. C'est très fort. Fait que c'est pour ça que c'est très important d'avoir de l'ordre dans les pensées qui vous sont présentées. T'sais? Je vous donne cet exemple-là pour comprendre que vous allez vous faire manipuler sur votre impression de manque de ressources puis de vous voir handicapé. Tombez pas dans le jeu de l'excuse. Tombez dans le jeu de la différence. Moi, quand quelqu'un n'est pas d'accord avec moi, il a le droit de ne pas être d'accord, mais si je donne le droit de ne pas être d'accord, ça ne veut pas dire que j'y donne raison. Comprenez-vous ce que je veux dire? Pour pas vivre l'impression d'une manipulation dans le mental. Moi, dans mon cas, c'est comme j'accepte aucune forme de domination, mais pour moi, la domination, ça vient pas d'un individu. Ça vient du fait qu'il se fait manipuler. Je dis pas qu'il n'y a pas raison, le gars. Pour moi, il y a raison que je déménage pour ça. C'est parce qu'il y a raison que je déménage. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que la situation, peu importe comment qu'il la comprend, ça lui donne pas autorité sur ma personne. Puis je sais que socialement, je suis délinquant. Mais ça ne lui donne pas l'autorité sur ma personne. Comprenez-vous ce que je veux dire? Si vous, le moindrement, vous donnez autorité à la pensée qui vous marginalise par rapport à l'environnement, vous allez vous sentir en manque de ressources. Ça part du coco, ça, là. Votre richesse, votre pauvreté, ça part du coco. Fait qu'il faut absolument que vous sachiez à quel point vous êtes manipulé, puis c'est dans ces quatre bases-là que vous sachiez. Avez-vous des problèmes dans l'association dans la vie? Si vous avez des problèmes d'association, des problèmes de mobilité, vous allez avoir un manque de momentum. Quelqu'un qui ne s'associe pas, il n'est pas pro-associatif, ou il n'est pas mobile de nature, c'est un individu qui n'est pas vite ses patins parce qu'il pense habitat, il pense générer, donc il pense travail, puis il pense métro, boulot, dodo. Métro, boulot, dodo, c'est ici, puis ici, c'est le mouvement. Et tu manques de mouvement, tu vas peut-être avoir quelque chose de bien structuré, mais tu vas avoir peur. Tu vas être dans ta maison, puis tu vas toujours avoir peur qu'il y ait du vent, tu vas toujours avoir peur qu'il y ait quelque chose qui dérange ta structure, tout le temps, tout le temps. Mais se faire manipuler dans le mental, c'est toujours penser qu'on manque de ressources. Ça part de là. Tant que vous avez une volonté d'agir, vous êtes correct. Moi, c'est ça qui me tient en vie. Une capacité, une volonté d'agir qui ne me lâche pas. Là. Pour empêcher la pensée de m'écraser. Je ne peux pas vous donner meilleure recette que ça. C'est la recette. Vous comprenez un petit peu? Oui. Parce que l'inertie, c'est le, ben c'est ça qui fait qu'un pain, quand il n'est pas mangé, c'est ça qui fait qu'il vient vert. Fait que le manger, c'est agir. Ça se comprend. C'est ça. T'sais, tu manges un snack, tu t'en vas au restaurant, il te l'arrive, c'est chaud. C'est mieux trop chaud que frais. T'sais. Puis là, tu le manges pendant que c'est le temps, c'est parfait. Tu es en pleine action. Facile à comprendre, ça. Mais si t'attends, tu sais, quelqu'un te parle, puis il t'oblige à parler pendant que tu manges, tu le quittes, puis là, à un moment donné, c'est froid, c'est dégueulasse. Là, c'est du faut que tu l'apportes, faut que tu le fasses mettre au micro-ondes, puis tu le quittes. Okay. Pour pas se faire handicaper, il faut être capable d'agir, c'est bien important. Je parlais avec une amie, je dis, elle me parlait de vivre tout seul, c'est pas intelligent. Je dis, moi, je suis 13 ans, j'ai pas perdu d'une coche, là, tu sais. Ben, tu, qu'est-ce qui peut faire que tu penses que c'est bon d'être seul? Ben, je dis, écoute, j'ai pas dit que c'était bon d'être seul, mais j'ai appris à vivre tout seul. Fait que je dis, moi, si je suis capable de vivre tout seul, puis j'ai pas de problème à vivre en couple, dans le sens que je suis capable de me voir en couple, ben, je suis capable de faire les deux. J'ai 23 ans de vie de couple, puis même si je me taperais 23 ans de vie célibataire, ça va être juste égalisé, c'est tout. That's it. Tu sais, mon gars, il réussit bien en affaires, toutes ses affaires vont bien, puis... Oui, je pense que j'ai fait ma job de couple. Puis là, ben, je fais d'autres sortes de couples. Je fais du couple spontané. Tu sais, quand je travaille avec quelqu'un, je suis en couple. Quand je parle en consultation avec quelqu'un, je suis en couple. Tu sais, parce que je me mêle aux états de l'autre, puis je résous ses problèmes de survie, puis etc., etc. Fait que ça me garde dans l'action du couple tout en restant tout seul. Fait que moi, tant que j'ai ça dans la tête, je souffre pas d'inertie, je me fais pas manipuler, genre, tu manques quelque chose. Donc, quelqu'un va dire, ouais, mais tu manques de stabilité puis d'effectivité puis c'est ça. Qu'est-ce que t'en sais, toi, là? Bien, c'est pour faire comprendre une chose. C'est que si tu vois ta vie négative, t'as de la place pour la manipulation. Tu vois ta vie, c'est une base pas nécessairement excessivement positive parce qu'il faut pas que tu sois trop la laine non plus. Mais faut que tu sois capable de regarder ta vie sur la base qu'il y a quelque chose à faire. Puis tant que t'as une capacité de faire quelque chose, il n'y a pas de problème. Il y a un problème, mais tu es en train de le régler. Ça se comprend-tu? On fait une perte à la bourse, puis on dit, ah, il ne fallait pas faire ça. La capacité d'identifier, là, il ne fallait pas faire ça, puis de l'intégrer, de le marquer, puis de répéter l'expérience, puis de ne pas refaire la même gaffe, c'est de l'avancement, ça, là. C'est comme ça que ça avance, l'automobile. C'est comme ça que ça avance, les avions. C'est comme ça que ça avance, n'importe quelle technologie. Ils font des essais, mais ils peuvent améliorer parce qu'ils ont découvert des problèmes, puis ils avancent, ils avancent, ils avancent. Mais il faut surtout pas que vous vous rendiez à la certitude du doute. Quand t'es sûr que t'es pas capable, là, ça, c'est dangereux. Un drôle, celle-là. T'es sûr que t'es pas capable. Ouh! Là, tu vas dire, ouais, mais il y a des rêves qui sont vraiment inaccessibles. Non. Mon gars, il a toujours rêvé d'avoir une Lamborghini. Bon, c'est sûr qu'économiquement, il faut encore une couple d'années, là. Mais ça se loue. Depuis 2 ans, là, ça se loue. Chez Pelletier, ici, c'est à 440, là, tu peux louer une Gallardo, 3 000 piastres par jour. Tu vas dire, Chris, 3 000 piastres par jour. Ouais, mais c'est pas 300 000 que tu as payé, puis tu n'as pas des assurances à payer à 14 000 par année, là. Tu peux allouer 3 000 piastres par jour, pas d'assurance à payer, puis le char n'est pas barré. Tu as 25 000 piastres de dépôt, de toute façon, si tu es neuf avec. Là, tu peux vivre ton rêve. Idéalement, c'est de rêver une Corvette, là. C'est plus accessible, façon de parler. Mais plus vous rendez votre vie accessible, puis que vous êtes bien dans l'accessibilité de ce que vous avez comme projet, plus votre vie va être balancée, moins elle va être à trouble, moins vous allez être placé dans l'impression d'un manque de ressources, puis vous allez vivre un minimum d'handicap. C'est ça qui est l'avantage. Il y a toujours une volonté d'agir, il y a toujours une solution. Tu perds ta volonté d'agir, il n'y a plus de solution. Tu commences à penser que tu manques de ressources, automatiquement la solution va venir d'ailleurs. Tu es sûr que tu as du doute. Pour que la solution vienne d'ailleurs, il va falloir des thérapeutes comme moi. Tu viens fou, ben là, c'est pilote. Pas compliqué, hein? T'es mieux de rester dans les deux premiers niveaux, là, c'est pas mal la limite. Volonté d'agir, t'agis sur tes pensées, surtout quand la pensée revient souvent. Puis, manque de ressources, là, quand tu vis ça, là, t'as affaire à... on n'est pas intelligent tout seul, là. Ça, c'est bien important. Et ça, t'es en manque de ressources, puis... Vous ne serez jamais assez intelligent pour essayer de penser que votre intelligence peut tout résoudre. Tu sais, quand on pense qu'on n'est pas intelligent tout seul, on pense tout le temps qu'il faut être en gens conscients. Mais il y a des gens, là, tu sais, qui sont pluggés de temps en temps pour nous donner la répartie, puis c'est très, très intelligent. Puis il faut être capable de les... Puis ça, quand on a une volonté d'agir, bien, ces gens-là se présentent dans notre action toujours au bon moment. Ça se place, là, tu sais, genre, t'es en train de prendre une décision, t'es en train de faire un mouvement, puis t'as toujours un étranger qui t'arrive avec une petite vibration qui te donne la bonne spin. N'oubliez pas que tout déséquilibre, toute manipulation dans le mental part d'une comparaison. Vous vous êtes placé dans un climat de comparaison, puis automatiquement, cette comparaison-là va vous mettre dans un déséquilibre. C'est pas mauvais, une comparaison, mais il faut qu'une comparaison n'envahisse pas votre vie au point de vous interdire de faire quelque chose. Tu sais, si dans une comparaison, tu dis, je suis aussi bien de ne pas continuer, eux autres sont trop forts pour nous autres. Cette compagnie-là est trop grosse par rapport à la mienne. Ah, là, vous êtes fait. Bien, il faut toujours que vous ayez la certitude. Premièrement, il faut que vous sachiez, Chris, que les forces s'occupent de votre vie. First. Parce qu'il y a des situations qui sont totalement insolubles. Là. Psychologiquement, oubliez ça, vous ne pouvez pas avoir un bon moral. C'est impossible. Ça va psychologiquement trop mal. Fait qu'il reste juste eux autres pour faire le miracle. Puis, à un moment donné, hop, ils font un miracle, ils font un autre miracle. Mais là, tu finis par comprendre que tu es réellement en échange avec quelque chose qui est bien plus fort que tout ce que tu peux imaginer. Mais ça, cette affaire-là que vous cherchez depuis des années et des années, ça vient de la confiance que vous êtes capable d'avoir dans le fait de savoir que c'est pas vous autres qui pensent, puis que la vie va continuer pareil. Faut que tu saches que de pas penser, ça te fera pas mourir. Tu sais, pas penser, tu penses, là, mais je veux dire que la pensée vient d'ailleurs. Là. Savoir vraiment là, que la pensée vient d'ailleurs, puis que d'agir sur de la pensée, c'est d'agir pour aller explorer quelque chose, puis qu'eux autres, les forces, ils travaillent comme un peu comme dans un rallye, ils te donnent des indices. Ils te donnent jamais la réponse tout d'un bloc. Là. Et voilà, tu vois un indice. Après ça, de cet indice-là, part, puis tu vois un autre indice. Puis, tu sais, faut que tu fonctionnes comme ça, là. Un indice par indice. Mais tu sais, genre, la lecture complète là, des prochains 6 mois, là, oublie ça. Je ne l'ai pas pour moi, je ne l'aurai pas pour vous autres, ça, c'est sûr. Fait que dans la mesure que vous sachiez que vous êtes en mesure de savoir que c'est vraiment les forces qui mènent le show, bien là, vous êtes capable de vous libérer de la comparaison facilement. Sinon, psychologiquement, à un moment donné, il va arriver des affaires qui vont... Ça va créer trop de pression pour votre système nerveux. Puis vous pourrez pas, avec de la logique puis de la réflexion, venir à bout de la manipulation. Ça va être trop subtil puis trop évident que vous êtes en situation d'impuissance. Ce qui nous manipule, c'est l'impression qu'on est obligé d'avoir raison plus que l'autre puis d'imposer notre loi. Puis là, on tombe dans des guerres puis des cibles, des ça. Moi, je veux pas jouer le jeu de cette manipulation-là parce que c'est trop facile pour l'astral d'aller te déstabiliser avec ça. Ils ont raison, c'est correct. Je vais m'arranger avec le reste. C'est dans ta tête. Tout est dans ta tête. Tout est dans ta tête. Là, tu vas me dire, un problème, c'est bien réel. Quand t'es malade, hein? Ouais, mais avant d'être malade, t'as été averti en hostie. Non? Fait que si t'es malade, là, c'est parce qu'il y a un paquet d'infos que t'as pas ramassé quand c'était le temps. Les gens ont toujours eu leur raison, puis il faut toujours que toi, tu saches que t'as une volonté d'action, une volonté de solution, que t'as une capacité de mettre en mouvement quelque chose. C'est juste ça qui est important. Moi, quand tu es sûr de ne pas être capable, je ne peux rien faire. Je peux rien faire. C'est, je comme, tu sais, moi, ça travaille avec le double. Hein, fait que le double ne peut pas passer. Tu es sûr que c'est pas possible.